الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد إخواني الكرام حفظكم الله لا أسمح لأحد أن يصورني mes frères حفظكم الله je ne permets à personne de me filmer ni de me photographier celui qui a fait cela il efface barakallahu fikum celui qui a fait cela il efface barakallahu fikum أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن تقوى الله عز وجل وصية الله للأولين والآخرين فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهكذا تقوى الله تبارك وتعالى وصية رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام للأمة أجمعين لأهل أمته أجمعين فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وبعد ذلك أيها الإخوة إن من مقامات الدين العالية وخصاله المتينة حسن الظن بالله عز وجل فإن حسن الظن بالله تبارك وتعالى خصلة وشعبة من شعب الإيمان العظيمة فالله تبارك وتعالى واسع الفضل والجود والامتنان والله جل وعلا لا يضيع أمل آمل ولا يضيع عمل عامل ولا يضيع أجر من أحسن عملا أيها المؤمنون ولقد تكاثرت الدلائل على عظم شأن حسن الظن بالله تعالى وما يترتب عليه من الآثار العظيمة والثمار الجليلة في الدنيا والآخرة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي ورواه أحمد رحمه الله تعالى عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ويوضح هذا الحديث ما جاء في المسند أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله أي إن أحسن العمل إن أحسن العبد العمل ثم رجا القبول من الله والثواب عنده فله ذلك وإن ظن بعد ندم وتوبة واستغفار سعة رحمة الله ومغفرته وجوده وعفوه وكرمه أعطاه الله ذلك وإن ظن غير ذلك فله وقد روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاثة ليال أو بثلاث ليال يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله إلا وهو يحسن الظن بالله زاد أحمد رحمه الله تعالى في رواية له فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل ثم تلا قوله عز وجل ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين كما في سورة فصلت أيها المؤمنون إن حسن الظن بالله عز وجل معدود من الخصال من أعظم الخصال وأشرف الصفات روى ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال وهذا أثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه يقول والذي لا إله غيره يحلف بالله عز وجل يقول والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل يقول هذا علامة الأمة صاحب القرآن والعبادة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله العظيم والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله ثم يقول والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه ذلك بأن الخير بيده فعلينا أن نتفقه في معرفة الله كي يقوى هذا الظن بالله سبحانه وتعالى في نفوسنا فسيؤثر في أعمالنا وعقائدنا وأعمال قلوبنا لله سبحانه وتعالى ومن أعظم أبواب حسن الظن بالله تبارك وتعالى اللجوء إليه وكثرة مناجاته والتوبة والاستغفار إليه سبحانه وتعالى فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا بتوبة نصوح وأن يغفر لنا ولوالدينا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وبعد أيها المؤمنون فاتقوا الله ربكم Chers frères, parmi les actions les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala et les points les plus importants de la foi musulmane, le fait d'avoir toujours une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de toujours avoir une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et cela revient à la pureté de la connaissance d'Allah et la bonne croyance. Celui qui a une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours et constamment dans les bonnes actions, et il s'efforcera toujours de délaisser les mauvaises actions. Il sera endurant lors de l'épreuve. Il sera constant dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il sera repentant lorsqu'il tombera dans l'erreur. Car certes Allah subhanahu wa ta'ala, toujours et encore, ou bien certes Allah azza wa jal ne cesse de concrétiser ce que tu aimes et ce que tu recherches. Et il ne cesse de pardonner tes fautes et tes imperfections, et il ne trahit jamais le bon espoir que tu as en lui. Allah subhanahu wa ta'ala est riche et parfaitement omnipotent. Et très nombreux sont les textes, que ce soit dans le Coran ou la Sunna, qui nous montrent l'importance de toujours avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne jamais penser du mal de lui subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a cette noble qualité en lui obtiendra tout le bien, que ce soit dans ce bas monde ou bien encore dans l'au-delà. L'imam al-Bukhari, l'imam muslim, rahimahum Allah, nous rapporte que Abu Rayrata radiallahu anhu nous rapporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah le Très-Haut dit, selon la traduction, je ferai à mon serviteur selon l'opinion qu'il a de moi. Et l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala nous rapporte que Wathila a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut dit, selon la traduction, je ferai à mon serviteur selon l'opinion qu'il a de moi, selon l'opinion qu'il a de moi, alors qu'il choisisse l'opinion qu'il veut avoir. Que signifie ce hadith? Nous l'explique un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed, dans lequel Abu Huraira nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah le Très-Haut dit, je fais à mon serviteur selon l'opinion qu'il a de moi. S'il a une bonne opinion de moi, alors il recevra cela. Et s'il a une mauvaise opinion de moi, alors il recevra cela. C'est-à-dire que si tu as une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal, tu fais des bonnes actions, tu t'efforces de l'adorer comme il te l'a commandé, avec sincérité et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah acceptera ton action. Alors Allah multipliera tes récompenses, il t'élèvera en degré et t'accordera une noble finalité, un paradis vaste comme les cieux et la terre. Si tu as une bonne opinion d'Allah, tu agiras. Si tu as une bonne opinion d'Allah, tu feras de nombreuses bonnes actions en espérant qu'Allah accepte de toi. Et Allah t'accordera ce que tu espérais, ce que tu as espéré et plus encore. Et aussi, si tu délaisses les péchés par crainte de son châtiment, si tu délaisses les péchés en espérant sa miséricorde et son pardon, alors Allah Azza wa Jal t'accordera selon cette opinion. Il effacera tes fautes et il te pardonnera et t'accordera la douceur de la foi. À l'inverse, celui qui a une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal, il délaissera les bonnes actions, car il n'espère pas le pardon d'Allah, il n'espère pas la miséricorde d'Allah, il n'espère pas le paradis d'Allah. Ce dernier va délaisser les bonnes actions, et Allah Azza wa Jal lui accordera ce qu'il aura mérité de par sa justice et sa science. Tabaraka wa ta'ala. Et l'imam Muslim nous rapporte que Jabir radiallahu anhu nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dire, 3 jours avant sa mort, que personne d'entre vous ne décède, ne meurt, si ce n'est en ayant une bonne opinion d'Allah. Parmi les moments où tu as le plus besoin d'avoir une bonne opinion d'Allah, c'est lorsque tu es sur ton lit de mort, lorsque tu t'apprêtes à te séparer de ce bas monde pour passer dans l'au-delà, dans ta tombe premièrement, puis sur la place du jugement dernier, deuxièmement et finalement au paradis, incha'Allahu ta'ala, en tant que croyant. Dans ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous commande d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous rappeler qu'Allah est pardonneur et miséricordieux, de nous rappeler qu'Allah azza wa jal nous a aidés à l'adorer dans ce bas monde. Donc on doit espérer tout le bien auprès d'Allah et le pardon pour nos péchés. Quant à celui qui a une mauvaise opinion d'Allah azza wa jal, ce dernier va mal agir, ce dernier va se laisser aller et il recevra en fonction de ce qu'il aura fait dans ce bas monde. Donc la bonne opinion d'Allah fait partie des plus grands bienfaits par lesquels Allah Azza wa Jal comble ses serviteurs dans ce bas monde. Le grand savant parmi les compagnons, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, nous dit, en jurant par celui en dehors duquel il n'y a point de divinité digne d'être adorée, le serviteur n'a pas été comblé par un meilleur bienfait que d'avoir une bonne opinion d'Allah. Allah Azza wa Jal ne te donne pas un plus grand bienfait que de mettre en toi une bonne opinion de lui subhanahu wa ta'ala. Puis il jure à nouveau en disant, par celui en dehors duquel il n'y a point de divinité digne d'être adorée, il n'y a pas un serviteur qui a une bonne opinion d'Allah et espère auprès de lui le bien sans qu'Allah ne lui accorde. Dès que tu as une bonne opinion d'Allah et que tu agis en fonction de cela, sache qu'Allah Azza wa Jal va t'accorder ce que tu recherches et ce à quoi tu aspires. Donc il nous faut purifier ses cœurs et avoir une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci toujours et dans toute épreuve, dans toute situation. Sache qu'Allah Azza wa Jal, rien n'est trop grand en péché pour qu'il puisse te le pardonner, et rien n'est trop grand en demande pour qu'il puisse te l'accorder. Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur de l'énorme grâce, il possède tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Et lorsqu'il veut une chose, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lorsqu'il veut une chose, il n'a qu'à dire soit, et cette chose est. Donc, la personne doit constamment avoir cette bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Et la plus grande des portes qui te permet d'atteindre ce but est la connaissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers ses noms, à travers ses attributs, le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal est l'immense, le fait de savoir qu'Allah est parfaitement capable, qu'il est le détenteur de l'énorme grâce, du pardon absolu, celui qui comble ses serviteurs, celui qui leur pardonne leurs fautes, celui qui a ses sens en son cœur, qui les comprend et adore Allah Azza wa Jal avec, voici celui qui développera la meilleure bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui. Il nous faut également savoir que celui qui veut avoir une bonne opinion d'Allah doit bien agir. Comment pour avoir une bonne opinion d'Allah? Celui qui se noie dans ses péchés le matin, l'après-midi et le soir, il dort dans les péchés, se réveille dans les péchés, il s'éloigne de la miséricorde d'Allah et va vers son courroux, sa menace et sa colère. Comment est-ce qu'il pourrait vivre avec une bonne opinion d'Allah? Donc celui qui veut avoir une bonne opinion d'Allah doit délaisser les péchés. Il doit accourir et fuir vers Allah tabaraka wa ta'ala, son pardon ainsi que sa miséricorde. Et l'imam al-Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala nous disait Innal mu'mina ahsana dhanna billah fa ahsana al-amal wa innal fajira asa'a dhanna billah fa asa'a al-amal. Certes, le croyant a une bonne opinion d'Allah, alors il a agi de par les bonnes actions. Et certes, le pervers a une mauvaise opinion d'Allah, alors il a agi en faisant de mauvaises actions. Donc celui qui aspire à avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal dans toute situation, il doit corriger sa personne, il doit se réformer et agir selon ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, tout comme Allah est Ghafurun Rahim, pardonneur et miséricordieux, il nous faut savoir qu'Allah Azza wa Jal est aussi Shadidul Iqab. Il est aussi dur en punition, comme il nous le dit dans le Coran, dans Suratul Hijr, Nabbi Ibadi, informe mes serviteurs, Anni Anal Ghafurun Rahim, que je suis certes le pardonneur et miséricordieux, Wa Anna Azabi Huwal Azabul Alim, et que mon châtiment est le châtiment douloureux. Ainsi le croyant vit entre la crainte et l'espoir. Ainsi le croyant vit constamment entre la crainte et l'espoir. Celui qui veut concrétiser cela doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser les mauvaises opinions et les péchés. Et certes, parmi les plus grands péchés, le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah azza wa jal, de cela découle tout le mal et tout type de nuisance. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran, dans Sourate Al-Fath, ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Allah تبارك وتعالى nous montre que la finalité de ceux qui ont une mauvaise opinion de lui est sa colère, son enfer, son châtiment. Et quelle mauvaise destination. Et Allah nous montre que la perte des gens qui se sont éloignés de sa voie et de celle de son messager et qui sont restés constamment dans les péchés, tout cela est dû à la mauvaise opinion qu'ils avaient d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme il nous le cite dans Suratu Fussilat. Falnuqbil على الله سبحانه وتعالى تائبين نادمين من كل ذنب مقبلين على طاعته متوكلين راجين رحمته تبارك وتعالى والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.